Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde, je me répète, non. Bienvenue dans la nuit anonyme. La nuit anonyme, qu'est-ce que c'est ? La nuit anonyme, c'est comme la nuit originale. Mais Denis, tu vas me dire, la nuit originale, qu'est-ce que c'est ? Mais la nuit originale, c'est comme la nuit anonyme. Et la nuit anonyme, c'est un live de 16h sur YouTube où on va parler de tout et de rien. Et on va parler de quoi, par exemple ? De Cinoche. De Cinoche. De Cinoche. De Cinoche. Le mot, quoi, le Cinoche. Le Cinoche, le top du top. Mais on va parler de plein de choses, on va parler de plein de choses. On sera là non-stop de 20h maintenant à midi. Midi jusque midi, oui. Pour le poulet frites qui est prévu. Le poulet frites prévu voilà. Demain midi, pardon. Et j'ai reçu un message. Ah, il reçoit des messages, ça c'est les aléas. Les aléas du direct. Non, et du coup... On va se présenter un peu. Nous sommes les Savoureux. Vous êtes sur la page Les 4 Savoureux, les Savoureux. C'est nous. Et c'est nous. C'est... Alors, il en manque un. Ouais, mais il va pas tarder. On va surveiller les messages au cas où il arrive. Mais c'est nous. Donc, Mathias. Salut à tous. Hein. AKA Gendarme. AKA Gendarme. C'est la première fois qu'on nous voit. Tu vois, oui, c'est vrai. C'est la première fois qu'on voit notre tête. La même chose tout à l'heure. C'est, voilà. Que c'est la première fois que ceux qui nous écoutent nous voient. Pour expliquer un peu, nous, on sévit sur PodCloud. On a une petite émission qui s'appelle Le Pavé, qui donc est disponible sur PodCloud. Donc, si vous voulez jeter un œil, allez donc soit voir les liens sur notre page Facebook Les Savoureux. Ouais, mais pas maintenant parce que sinon. Sinon, vous regarderez pas de live. Mais et si, ils peuvent mettre en fond. Oui, mais s'ils écoutent PodCloud dans le live. Ah bah non, écoutez pas maintenant. Bah non. Mettez la en favori. Faites CTRL D. Voilà. Habile. Astuce. Pour vous, c'est tout. Jean-Michel Astuce. Jean-Michel non. Astuce. En vrai, c'est quoi mon prénom ? Son prénom, c'est Raphaël. Bonsoir, salut. Bah voilà. Moi, j'ai pas de surnom comme le gendarme. Si, c'est Raph. Ouais, mais Raph. Du coup, c'est un peu commun. Ouais. C'est pas grave. C'est cool. Et du coup, toi, Kawan. Oui, moi, Kawan. Animateur, moi, comme d'habitude. De talent. De talent. J'ai envie de dire, pour me jeter des fleurs. Et bon, donc, juste avant de commencer. La place manquante. La place manquante, c'est Victor. Qui est censé être là. Mais voilà. Comme c'est un chieur, il va arriver en retard. On d'accord. Alors, on va avant de commencer cette intro qui est interminable. Ouais, c'est un peu long. C'est un peu mais long. C'est pas grave. On tient à remercier deux personnes. Tout d'abord, notre réalisateur, celui qui est aux commandes. Bravo, capitaine. Pierre, qu'on va appeler Pierre, qu'on va appeler Pierre Platine. Pierre. Comme l'empereur. Voilà. Faire. Pierre, donc merci beaucoup. À toi, il est là, il est derrière la caméra, enfin la webcam. Ouais. Et deuxième personne qu'on va remercier maintenant, c'est Stéphanie. Stéphanie qui est là pour accueillir des gens. Parce que oui, on ne l'a pas dit, mais il n'y aura pas que nous. On ne sera pas que trois ou quatre. Il y a plein de copains à nous qui vont venir. Et du coup, ça va être cool. Et du coup, voilà. Et apparemment, on a désactivé les coms. Du coup, il faut aller dans la salle de contrôle en direct. Du coup, je propose à Raphaël de présenter. Choix. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Ah oui, pour savoir le programme, allez sur la page Les Savoureux. La page sur Facebook, ouais. Voilà. La page Les Savoureux. Et vous aurez le programme de toute la nuit. Et tweeter en masse au hashtag Nuit Anonyme. Il faudrait qu'il soit en TT France. Ouais, ouais, TT France. Alors oui, il y a un challenge. Il faut qu'il soit TT France à 3h du matin. Voilà. Alors, pour régler ce problème de commentaires. Je crois que les commentaires sont désactivés, mais le chat est activé. Donc, ah au pire, oui, le chat. Le chat est activé. Donc voilà. Mais est-ce que nous, je pense que nous, on peut en ajouter, mais les autres gens ne peuvent pas. Si. Oui, j'ai vérifié tout à l'heure. Bon, t'as fait. C'est vraiment animé à la zob. Ouais, ouais. Ah, bah, c'est. Ah bah c'est pas grave. C'est le premier live. Bon. C'est fait en... Ouais, on est des petits puceaux. C'est la roue libre. Wow. Hey, arrête de crier, wow, c'est bon, calme-toi. Je sais pas, j'ai un sandwich. C'est un hamburger. C'est un hamburger. Montre-le. Ah, on a. Bon, ah, c'est qui ? Il y a quelqu'un qui nous dit c'est chiant. Ah, Yolé Chégué. Ah. Salut. Salut. Bonjour, Elena. Voilà, il y a que des amis à nous qui vont regarder. Bon, trop bien. On arrête de faire de la merde. Ouais. Allez, on part sur la première heure de cette nuit anonyme, l'heure savoureuse, pardon, excusez-moi. Donc, je pense qu'on va. Je me suis autoproclamé présentateur. Mais je pense que on va faire comme on fait comme d'habitude, quoi, un petit pavé, même voir un petit podcast à l'ancienne. Et du coup, je sais pas. Est-ce que vous voulez qu'on parle d'actu, de trucs que vous avez lus? De Mathias. Tout et n'importe quoi. Est-ce que tu veux parler de Superman, putain ? Alors Superman, non, parce que je me suis pas trop renseigné là-dessus, mais je pense qu'on va plutôt aborder quelque chose qui reste dans le milieu du super-héros, qui reste DC. Yes. Qui reste télévisé. Bon, yes. Superman, c'est. Oh, je suis content. On va parler de Arrow et Flash. Parce que est sorti hier le. Le deuxième épisode du crossover. Que vous n'avez pas Flash. Vu. On n'a toujours pas regardé, ouais, non, c'est un on peu. On n'a pas regardé, mais on a regardé les bandes annonces. Parce que nous, on fait nos jugements que sur les bandes annonces. Et du coup, c'est hyper cool. Et quoi ? Arrête d'hurler. Arrête d'hurler. C'est moi qui hurle. Mais... Ouais, l'empereur en fait, a dit que tu devrais arrêter aussi, d'hurler. Raph aussi, tu c'est vrai ? Oui. Pardon. Bon, excusez-moi, désolé d'avoir fait saturer vos petites oreilles. Et du coup, on a regardé les bandes, on a checké les bandes annonces hier, ouais, et c'était encore une fois génial. Un peu du lourd, trop bien. Parce qu'il y a plein de super-héros dans tous les sens, et c'est aussi le début de. The Legends of Tomorrow, pardon. La prochaine série. Le spin-off consacré avec tous les super-héros nuls, tous les super-vilains, tous les héros de seconde zone que vous avez vus dans Arrow et Flash. Donc, il y a les frères de Prison Break, chaud et froid, là. Il y a, Atom, tu sais, le mec qui joue Superman, là. Ouais. Hawkman, Hawkgirl, Black Canary, tout ça. Donc, ça va être. Alors, c'est bien, les gens sont déjà perdus. Ça voilà. va être hilarant. Ouais. Vous êtes à la nuit anonyme. Bonjour, c'est la nuit anonyme. Vous n'êtes pas perdus sur Internet. Le discours qui s'ensuit va être très compliqué pour ceux qui ne suivent pas la série, comme beaucoup de gens, bon, tels que moi. Bah, non, mais c'est vachement regardé. Tu rigoles, c'est un record d'audience ou quoi? Ouais, c'est. Non, mais il y a une fanbase de dingue. Bon, en gros, Arrow, c'est l'archer vert. Si vous avez regardé la Ligue des Justiciers, le dessin animé, c'était le mec habillé tout en vert avec un arc. Et Flash, c'est celui qui court vite habillé en rouge. Voilà. En gros. Et tout simplement. Et donc, c'est un peu nul sur les séries qu'ils sont en train de faire en ce moment. Ouais, c'est-à-dire que, en fait, DC, pour leur univers partagé, on va dire télévisuel, c'est un peu. Enfin, ils ont eu un peu de mal comparé à Marvel, c'est-à-dire qu'ils ont développé des séries et ils ont mis grave du temps à développer leur univers cinéma. Et du coup, ils sont un peu, ils ont deux univers qui vont jamais se croiser, je pense. Ou s'ils se croisent, ça va être trop bien. Et parce que genre on aura deux Flash et tout, ça va être super. Et du coup, ouais, ils ont grave du mal. Et je pense que, enfin, ça leur, c'est vraiment pas bon pour DC d'avoir fait ça. Alors après, je pense que c'est aussi parce que tu vois, l'univers ciné, c'est vraiment très comment c'est très codé, quoi. Non, c'est pas codé, mais c'est très dark, tu vois, comparé à Marvel. C'est que genre on a vu Suicide Squad, tu vois, les mecs ils sont un peu Festival à DDX, quoi, mais tout est dark et tout ça. Mais ils aiment bien aussi, quand tu vois la série Batman enfin de Nolan. Ouais, enfin, The Dark Knight, ouais. Enfin, c'était les prémices de l'univers d'ici, je pense. C'est fait exprès de dropper des trucs incompréhensibles. Non, on a si. Bah, c'est. Non, mais attends. Ah, ouais, oh, hein. Sinon, ils ont Google. Pardon, je crie. Ils ont Google, les gens. Allez sur Google, c'est bien. Taper sur Google à chaque fois qu'on dit un truc. Mais, Mathias, tout bord d'auteur, regarde. Waouh, je suis trop content. Yes. C'est Brigitte C qui nous le dit dans les commentaires. C'est ma maman. Bonjour, la maman de Mathias. Mais donc je te disais, ouais, c'est un univers super dark et tout. Et je pense que pour parler au plus grand nombre, ils ont fait un univers un peu plus jovial et cheap pour parler aux enfants, aux ados, tu vois. Et pas, je pense qu'aussi, c'est vraiment orienté sur un public adolescent. Ouais, et familial, je pense, c'est surtout ça. Quand tu vois que tout le monde est beau et, beau et propre sur eux. En même temps, c'est sur la CW, tu vois, c'est les chaînes qui ont diffusé le frère Scott, tu vois, tous les soaps un peu comme ça. Donc, quelqu'un se rappelle des frères Scott? Ouais, oui, ça passe encore sur TF1. Est-ce que tu sais chanter le générique de Frère Scott? Je croyais que t'allais faire ça. Mais non, je veux dire que je suis un peu le sniper là parce que j'arrive pas à rentrer dans le débat parce que j'ai du mal. Mais donc, du coup, je vais être le Laurent Baffy ou le Fabrice Eboué de. Ah, les références. Imitation de Fabrice Eboué ou pas? Non, ça va être raciste. Ok. Allez, une blague raciste. Donc voilà. Mais Franchement, c'est comme l'année dernière, quoi. Ça va être un beau crossover Flash Arrow. Très bien. Ça va être des effets nuls, des faux raccords et des bastons et mal montés et des lumières lumières de boîte de nuit. Voilà. Donc on vous conseille Flash Arrow, bien évidemment, que les crossovers parce qu'après la série c'est long. Quoi. Ouais, c'est un peu... Mais et regardez Supergirl aussi, c'est hyper marrant. C'est dans le même délire. C'est le même délire. Mais j'ai hâte qu'ils fassent un crossover vraiment de ça. Et le truc avec Gotham, parce que Bruce Wayne est enfant, mais je pense que ça va arriver très bientôt. On va voir Batman et tout, ça va être du délire. Est-ce qu'on peut faire un Didon, mais c'est quoi donc? Didon, mais c'est quoi donc? Didon, mais c'est quoi donc? Le crossover, par exemple, je sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Voilà une réplique intelligente. C'est vrai qu'on avait mis ça en place. Le crossover, c'est en gros, c'est le rassemblement soit de plusieurs licences, soit de plusieurs univers, soit de plusieurs personnages. Comme exemple connu, les Avengers. Donc tous les groupes de super-héros constitue en soi un crossover solo de chacune des séries. Et en gros, comment bah, ils les font croiser pour voir ce que ça donne. Et c'est un truc super récurrent des comics. Généralement, on voit ça deux ou trois fois dans... deux ou trois fois. On voit ça plusieurs fois chez Marvel, par exemple, ou chez DC. Niveau comics, c'est ils aiment bien faire ça. Généralement, il y a des répercussions après sur l'univers avec des persos qui meurent, des persos qui reviennent et tout ça. Et bah là, par exemple, Marvel Studios décide d'adapter Civil War, donc, qui est un run écrit par Mark Millar et dessiné par des milliards de gens parce qu'il y avait plein de séries. Et donc, si vous avez vu la bande-annonce qui est sortie cette semaine, c'est l'affrontement entre l'équipe Tony Stark et l'équipe Captain America sur est-ce que les super-héros doivent dévoiler leur identité ou non. Et c'est un run capital, je pense. Enfin, c'est un run majeur des années 2000 au niveau comics. Et je crois qu'ils en font vraiment de la merde au niveau cinéma. Non, mais de toute façon, Marvel Studios, je suis déshypé total. Enfin, quand on apprend. Bah, Marvel, c'était bien, mais je pense qu'ils sont tombés dans une. On en a déjà parlé. Ouais, mais ils sont tombés dans une routine, mais affligeante. Et donc, pour enfoncer un peu le clou. Neil Gaiman, l'auteur qui a écrit Coraline, Stardust et tout ça, et Guillermo del Toro s'était associé en 2007, donc au début de Marvel Studios, pour dire ouais les gars, nous on aimerait bien faire un film Doctor Strange, et Marvel Studios ont dit bah non, parce qu'on s'en fout, on devrait faire de l'argent et pas de la qualité. Il y en aura un avec Ben Destrach Kumbastich, je tiens à préciser, ou pour le commun des mortels, Benedict Cumberbatch. Voilà, donc ça sort l'an prochain, en 2016. Très bien. Est-ce on continue sur le truc super-héros ou Kawan, tu veux parler d'un truc que t'aimes bien, que t'as découvert un ou... truc que j'ai découvert, ouais. Ouais, je veux parler de la série Narcos. Narcos, Narcos. Je sais pas comment ça se prononce en espagnol, mais j'ai envie de le prononcer Narcos. Narcos. Bah, Narcos en espagnol. Narcos. Bah, Narcos en espagnol, alors c'est quoi cette série Narcos en espagnol? La mort en espagnol. Ah, voilà. La mort. La isla de la muerte. La mort en espagnol. Voilà, si vous ne connaissez pas, si vous ne voyez pas la référence, on vous envoie vers Crost, l'émission de Karim Debbache. Dispo sur YouTube. Mais voilà. Regardez pas maintenant, parce qu'il y a le live. Ouais, parce qu'il y a le live, quand même. Mais vas-y, donc Narcos, la série Netflix. Oui, une série Netflix dont j'ai oublié le nom du mec qui fait ça. Un truc très travaillé. Très travaillé, comme d'habitude. Toujours au top niveau. Je vais vous le retrouver, je vous jure, un moment, je vais vous laisser parler entre vous, je vais retrouver, je vais crier le nom. Non, mais par contre, c'est un Brésilien, ça je sais, je l'ai retenu. Ah, cool. Et non, Narcos, j'ai envie de dire Narcos. Du coup, tu dis Tacos. Tacos. Narcos, c'est une série réalisée par un Brésilien sur, qui trace en fait la vie du narcotrafiquant le plus célèbre au monde. En Michel Colombie, Fugain. Michel Fugain. Non, c'est Pablo si Escobar. Pablo Escobar, exactement. Ça m'a toujours fait rire, Pablo Escobar. À chaque fois, je pense aux Mystérieuses Cités d'Or, mais ça, c'est un détail. Voilà, ma vie. C'était la vie de Mathias. Voilà, alors, Madame la maman de Mathias qui nous regarde, on n'est pas responsable de ça. Oh là là, ça commence. Alors, les créateurs, c'est... Vas-y, je te laisse les dire. Ah, alors c'est une série créée... Ah, t'as cliqué à côté ? Non, c'est par... là. Ah si, bah, c'est en partie créé par José Padilla. Alors, José Padilla. Non, pas José, justement. Ah merde. Il y a Carlo Bernard, Doug Miro, Eric Newman et José Padilla, ou José Padilla. Donc, qui est brésilien, c'est pour ça qu'on ne dit pas José, mais d'accord. José. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce bon monsieur Padilla ? Eh bah, bien, figure-toi qu'il a fait le remake de Robocop. Non. Si, c'est pas vrai. Le remake de Robocop. Ouais, le remake qui est sorti l'an dernier, il y a deux ans, de Robocop. Moi, j'ai pas aimé. Avec, comment il s'appelle ? Le mec qui ressemble à Julien Lepers. Oui, bah. Michael Keaton. Non, c'est... Si, c'est lui. Chauffant avec Kevin Costner. Mais moi, j'ai pas trouvé ça terrible, le remake de Robocop. On s'en fout ? Bah, non, mais même moi, qui adore Robocop, j'ai trouvé ça pas terrible. Je mets le truc. Je l'ai pas vu, aparté, c'était pas terrible. Encore très, très bien bossé, mon truc. Je l'ai pas vu. Là, mais... Et les effets sont pas terribles, non plus, je crois. Attends, on va revenir au débat Robocop après. Oui, Pablo Escobar. Vas-y. Parce que vous avez sûrement perdu le fil. Donc Narcos, la série parle de la montée en fait en puissance de l'empire d'Escobar. Non, pas la montée de l'Empire. Il a dit Empire, j'ai eu un grand sourire, genre, l'Empire. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est Star Wars, et j'ai un problème avec mes amis qui sont ici présents, c'est que je ne peux pas faire une référence à Star Wars sans qu'il y ait un engouement qui fait que ça bloque toute conversation. Donc la montée de l'Empire de Pablo Escobar, et comment il est parti de la contrebande, à trafiquer la cocaïne. D'accord. Jusqu'à Miami. Ouais. Moi, je te renvoie sur une série que j'ai bien aimée, c'est une mini-série. Ça s'appelle Sous le Soleil. Non. Je peux finir sur. Oui, mais je pensais que tu avais fini, excuse-moi. Non, vas-y. Bon, alors, je voulais revenir sur, sur la montée en puissance et de la construction de l'Empire de Pablo Escobar. Je voulais dire aussi qu'il y a une mini-série franco-italienne qui parle du mafieux Totorina depuis son enfant jusqu'à... À ne pas confondre avec Totoro. Ouais, j'allais dire tourner à le spin-off de Totoro. Tout à fait. Mais Totorina, qui est très bien, c'est une très bonne série à voir, c'est sympathique. Voilà. C'était pour faire un aparté. Et du coup... Ou une aparté, je sais. Une aparté. Je crois. Hein. Oui, genre dans les commentaires. Du coup, non, c'est... Hashtag nu anonyme. On n'oublie pas. Attends, je vais regarder. Non, et du coup, dans Narcos, ce qui est bien, c'est que c'est une série quand même produite par Netflix, donc américaine, une production américaine. Fuck yeah. Et la narration est faite par un flic de la DEA, la brigade des stupes américaine, qui lui est branché sur l'affaire Escobar. Et du coup, la narration est faite en anglais, mais ça se passe en Colombie, oui. C'est-à-dire un pays hispanophone. Et Pablo Escobar était hispanophone. Il parlait espagnol comme tous les gens en Colombie. Et ils ne sont pas tombés dans l'écueil de faire parler les gens avec un accent espagnol en anglais, mais de faire parler les gens en espagnol. Et du coup, c'est sous-titré en anglais pour eux. Mais ça, c'est cool. Et c'est, ça me fait penser à Versailles, justement. Ouais, attends, Versailles, on y reviendra. Ouais, j'arrête pas de trouver plein de trucs. Mais ouais, c'est rare pour une production américaine, parce que les Américains ont un gros problème avec les sous-titres. Mm. Le dernier qui a eu les couilles de vraiment faire ça, c'était Tarantino pour... Inglourious Basterds. Bravo, bel accent. Merci. You're welcome. Jeune étalon. S'il te plaît. Young Stallion. Mais oui, du coup, c'est assez couillu. C'est assez couillu de faire ça. Ouais, mais surtout que les Américains ont plutôt la préférence de faire des remakes. Ouais, ça coûte moins cher que des sous-titres. Faire des sous-titres parce que les gens ne vont pas d'instinct aller voir des films avec des sous-titres aux États-Unis. Mm. C'est pour ça qu'il y a eu plein de remakes rigolos, comme celui d'un Indien dans la ville. Ou celui de Taxi. Ou de La Totale avec Thierry Lhermitte. Qui s'appelle True Lies avec Schwarzenegger. De James Cameron. C'est hilarant. James Cameron, putain. Et donc, revenons sur le fait des sous-titres, machin, oui. Langue locale. Versailles. Va te faire enculer. Pardon, je parle pas à toi, je parle à la série. Voilà, ça c'est fait. Ça nous a fait une victoire. J'ai fait un gros mot. Et oui, donc Versailles, qui est quand même qui est faite en France, il me semble. Oui. Oui. Ouais, il y a eu un de ces moments... Et on s'est tous regardés. Ouais. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Bref. Et du coup, ils ont quand même trouvé le moyen de faire parler le roi de France en anglais. Quoi. Ah oui, c'est des acteurs anglais. Voilà. Enfin, qui parlent anglais. Voilà, c'est une série sur le roi de France. J'avais pas tellement envie de la regarder parce que je trouvais ça un peu Borgia Versailles, mais alors là, Borgia, vous m'avez coupé bien, l'envie de regarder. Les Borgia, c'est bien. C'est oui, mais Borgia, c'est bien, mais tu vois, dans l'intrigue et tout, oui. Ça, et dans les images, ça me faisait penser à ça. Mais oui. Enfin, quand vous m'aviez dit ça, j'ai fait bah, ok, bah casse-toi. Quoi. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est un peu. J'ai regardé Jessica Jones. Mais par contre, il y a le mec qui fait la voix de Gimli qui double un personnage. C'est pas un personnage important, mais dès qu'il parle. Dès qu'il parle, j'ai ça. J'ai une mine. Une mine. Et ma hache. Et donc, oui, les sous-titres. Bah, c'est tout. Non, c'est bon. Bah, là, c'est bon. On a juste parlé de Versailles. Pour. Oui, de quoi? Parle plus près de ton microphone. Il faut que je roule un palo à mon micro. Ah, faut que je l'oriente mieux. Hop, voilà. C'est très radiophonique. C'est, bon, ouais. C'est génial. C'est l'empereur qui nous donne des indications. Oui, on a l'empereur. Et du coup, Mathias, est-ce qu'on revient au remake de Robocop? Oui, revenons au remake de Robocop. Alors, j'ai un souvenir très, très loin. Très vague. Ouais, moi aussi. Parce que je l'ai vu il y a très longtemps. mais j'ai pas aimé. Ça, néanmoins, mon souvenir dit que j'ai pas aimé. Bah. Parce qu'il y a plein de trucs qui vont pas, genre les effets. J'ai un très mauvais souvenir des effets quand on voit Robocop sans son armure. Ouais, non, le Robocop, ça... il est abusé quand même. Oui, mais. Non, Robocop... mais il y a des trucs qui sont bien. Enfin, le D209 et tout. Le D209, si vous avez vu Robocop, c'est le gros robot qui tire. Enfin, c'est le bipode là qui tire. Et ça, tu sais, dans l'intro qui ressemble à District 9, c'était vraiment grave cool. Et je sais pas si tu te rappelles qu'il y avait Samuel L. Jackson dans le film. Ah non. Mais... Il fait un présentateur télé où il dit les robots, machin, oui. Tu te rappelles? Oui, ça voilà. Ouais. Mais moi, je suis un fan inconditionnel de Robocop. J'adore Robocop. Et Just Dread ou pas? J'adore Robocop. Je viens de te dire que c'était la même chose. Et du coup. Oui. Robocop, c'est génial parce qu'en gros, c'est Paul Verhoeven qui l'a fait. Donc, c'est le mec qui a fait Starship Troopers. À ne pas confondre avec... non, j'allais dire une grosse... Total Recall, par exemple. Il en a fait d'autres aussi. Mais ces films-là, c'est ces trois plus importants. Pardon, j'ai tapé dans le micro. Et ce qui est cool avec Verhoeven, c'est qu'il a vraiment une ironie, mais pas possible. Bah, quand tu vois dans Starship Troopers... Ouais, c'est déjà, ça. Enfin, Starship Troopers, il est vraiment pas considéré à sa juste valeur. Ouais. Parce qu'après, c'est chiant, quoi. Mais et du coup, dans Robocop, c'est vraiment... en fait, Robocop, il est vraiment témoin de son époque, dans le sens où il parle de la guerre froide. Il y a ces fausses pubs dans le premier, je sais pas si tu vois, sur le jeu, sur la guerre froide et tout ça, et les produits de bronzage un peu nuls. Non, ça, c'est dans le 2, je crois. Mais dans le 1, tu vois, il y a... Waouh ! Pardon. Donc là, il a essayé de mettre le thème de Robocop. Ça m'a fait trop peur. J'ai hurlé, excusez-moi. Ne t'inquiète pas, tous les gens dans... Parce qu'en fait, on a l'empereur. L'empereur, baissez le son, s'il vous plaît. Empereur, baissez le son. Parce qu'on a un réalisateur, mais apparemment, il est un peu nul. Et surtout qu'il n'est pas derrière sa console. Oui, il mange des cahuètes. Donc, je te disais, Robocop, c'est vraiment ironique dans ce sens-là. Mais en même temps, tu peux juste dire, ouais, c'est juste un film d'ado prétentieux qui dit fuck USA, quoi. Et en fait, non, parce que Verhoeven, il a un discours très bizarre à propos de Robocop, c'est qu'il arrive à parler de la technologie et de donc ce truc récent, enfin qui était récent à l'époque, et il arrive à en parler en disant que, en fait, c'est vraiment la métaphore de la résurrection du Christ à travers la technologie. Et il y a plein de thèmes comme ça dans Robocop, et c'est vraiment, enfin, c'est une mine d'or pour toutes les interprétations, il y a plein de trucs à dire. Et dans le remake, en fait, il y a juste un truc, c'est que les robots, vu que c'est... j'adore cette chanson, j'adore le thème. Mais le seul truc qu'ils viennent à dire, c'est que, vu qu'on a plein de gadgets, genre les iPhones, tout ça, bah, en gros, Robocop, la marque, c'est OCP, qui est la même marque qu'une marque de médicaments. Du coup, ça me fait super peur en vrai. Ça ressemble à OCB, oui. La marque de papier de cigarette. Ouais, mais OCP, ça existe en vrai dans la vie. Qui est tenu par un gros patron, je ne sais même plus qui c'est. Ça s'appelle l'esprit d'escalier. Oui. C'est jongler d'une idée à une autre et en perdant le fil. Et c'est marrant, c'est parce qu'on a nous quatre. On parle de Victor, mais ouais, il est pas Victor, là. Il est là. On a tous l'esprit d'escalier et c'est pas pratique quand tu fais de la radio. Parce qu'on a des idées, mais après on sait plus. Voilà. Et c'est drôle parce que en entendant la trompette, je pensais que c'était Fort Boyard. Mais non, c'est le thème de. Je cherche le nom du compositeur. C'est Basil quelque chose. Je crois que c'est le mec qui a fait le thème de. On va faire un. Pardon. Le temps que tu cherches, on fait un petit point commentaire sur le chat. Mathias est apparemment la personne la plus aimée dans le chat. Ouais, je sais bien, j'ai quand même briefé tout le monde pour avoir des likes dans tous les sens. Et il est content, regardez-le. C'est mon pantalon rouge qui fait cet effet. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais le remake de Robocop, il parlait vraiment avec l'expansion de la technologie. La technologie vraiment miniaturisée et la haute technologie, dirais-je. High-tech. La high-tech. À planter dans les foyers, c'était vraiment... on est un peu robotisé au fur et à mesure et on s'en rend pas compte. Et tout l'aspect cop, ils ont gardé le robot, mais pas le cop. Et du coup, c'était nul. Et ça m'a rendu grave triste. C'est clair, parce que dans le dernier Robocop, il me semble que c'est plus une histoire de vengeance nulle. Oui. En gros, il sert juste à venger des gens qui l'ont tué. Ouais. Alors que... Dans le film original, c'était il cherche, il est utilisé par sa hiérarchie et tout ça. Il y avait vraiment un truc aussi sur le bureau et sur la police. C'est vraiment aussi un film sur la police. Bon, c'est une ville fictive, c'est Détroit. Alors, c'est Détroit fictif, mais qui ressemble au Détroit d'aujourd'hui. C'est incroyable. Il y a plein. Robocop, il a été visionnaire sur plein de trucs. Ils ont prédit 30 ans à l'avance les cœurs artificiels, le CD, le disque, le compact disque et Détroit, complètement rasé par la crise. Et la victoire de François Hollande aux élections. Oui. Non. Non. Et. T'as regardé Robocop et c'est vraiment génial. Enfin, c'est un classique. Et le 2 est ouf et le 3 est nul. Et le thème de Robocop vient de terminer. Mais non, mais le 2, alors le 2 et le 3 ont été écrits, super intéressant parce qu'ils ont été écrits par Frank Miller, donc le scénariste et dessinateur, oui. Le mec qui a fait 300, Sin City, Dark Knight Returns, tout ça. Et qui n'est pas le frère de Gérard Miller. Ou de George Miller. Ou de George Miller. Le réalisateur de Mad Max. Poursuit. Et Babe. Et en gros, il a fait une première version du script qui a été refusée. Et il s'est dit, bah, je m'en fous, en fait, je sais faire de la BD. Donc il a fait le Robocop 2 et 3 tels qu'ils étaient dans sa tête. Il les a fait en comics. Waouh. Et c'est fou. Et je pense qu'ils ne sont pas disponibles en France. Du coup, c'est chiant. Triste. Par contre, en e-book, vous avez Robocop versus Terminator qui est juste énorme. Genre, c'est trop bien. C'est-à-dire tu prends les deux plus grosses franchises de robots du monde et tu les fais taper dessus. C'est trop bien. Franchement, c'est en plus c'est c'est du graphisme très années 80. Tu sais, ils sont très carrés et tout. Enfin, génial. Robocop contre Terminator. Très bien. De la joie. Voilà. Et Protocop. Protocop. Je connais pas Protocop. C'est peut-être. C'est un peu triste. Mais merci Marc. Merci. Ah, c'est oui, c'est mon ami de Bordeaux. Bonjour, ami de Bordeaux. Encore un autre. Qui tout Bordeaux nous écoute. Il n'a pas pu venir. Bah, tu es quand même là avec nous. Ouais. Tu es dans notre cœur. Grâce à ton commentaire. Mais merci à toi. Protocop, je ne connais pas du tout, Marc. Peux-tu écrire un commentaire de style pavé pour nous expliquer? Voilà. J'ai fait ma dédicace, je suis content. Dédicace à tout Bordeaux. Dédicace à tout Bordeaux. Tu sais, les gens qui m'aiment. Eh, les poteaux d'Angers, moi aussi, je vous aime. Près d'une en force. Donc, une émission éclectique. Oui, oui. Tout à fait. Bah, je sais pas de quoi. De quoi. Qu'est-ce que t'as vu récemment, Victor? Victor, oui. Tu veux parler d'un truc? Vas-y. Moi, je suis à la voix. Oui. Alors, moi, je tiens à dire que j'aime beaucoup. Aladdin avec Kev Adams. J'ai beaucoup aimé Aladdin avec Kev Adams. C'est un film de génie. Réalisé par des hommes de talent. Bravo. Voilà comment meubler 30 secondes d'antenne. Aladdin, un film de génie. Ça, c'était de la bonne vanne. Kiss kiss bang bang, il a dit Marc. Kiss kiss bang bang. Cochon. Moi, ça me fait penser à une chanson. Avec, Oui, ta gueule, Mathias. Non, Kiss Kiss Bang Bang, c'est le film, de Shane Black, oui. Avec, qui est juste là. Ah oui, avec Robert Downey Jr. Oui, qui est très bien. Oui, et Michelle Monaghan. Voilà. C'est qui Michelle Monaghan? Bah, c'est la meuf. C'est un prof d'Harry Potter. Quoi? Mais non, c'est la c'est bien, ça fait rire que nous, notre IA. Il s'en fout. Il mange des cacahuètes. Ça fait une demi-heure que ça a commencé, c'est déjà le bordel. L'heure elle est préparée. Je sais pas quoi dire, Victor il est pas là. Non mais c'est pas grave. Les aléas du direct. Bah, oh, le oui. Direct qui... Donc, dont vous avez 30 secondes en différé. Oui. Préciser. Et n'oubliez pas de donner, c'est le Téléthon. Ah oui, c'est le Téléthon 36-37. Et n'oubliez pas d'aller voter dimanche. Dimanche. Les régionales. Voilà. Ça, c'était un peu le quart d'heure un peu nul. Ouais. Oh, c'était un sacré quart d'heure. Sinon, Marine Le Pen, elle va gagner dans le Nord. Ouais. Ah, mais c'est... On va pas parler politique. Parce non, pas... va... non, messieurs, calmez-vous. Ne parlons pas de ça. Non, non, arrête. Calmez-vous. On est là, on parle tranquille, ouais. Pause. On parle de Cinoche. On parle de Cinoche ou on parle mais de... on sait pas quoi dire. On parle de chansons. Bah, parlons de films genre qui vont peut-être sortir, mais pas d'un film qu'on attend tous. Aladdin? Non. Fast and Furious 8. Oh non, je parlais de Star Wars parce que ça sera une heure du matin, on en parlera. Non, il y a une heure calée, voilà. Les gars, il y aura une heure Star Wars. Donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas tout de suite maintenant. Oui. Moi, je suis très excité à l'idée de parler Star Wars. Ouais, c'est ça. Je retiens du coup. Non, mais franchement, je vibre à l'intérieur. Moi, je suis ça va. Stressé. et du coup, parlons d'autres choses. Genre, On a regardé Taxi il n'y a pas longtemps. Voilà, avec Victor, avec qui, Victor est pas là. Qui n'est pas là. Victor va nous en parler. Ah oui, Marine Le Pen. Non, Victor, on a dit pas politique. Et du coup, Taxi, c'est quelque chose de formidable. Sachant que c'est aussi. On voit Marion Cotillard qui joue dedans. C'est la fille du général. Que j'avais quand même oublié qu'elle jouait dedans. C'est très drôle parce que Marion Cotillard a fait quand même beaucoup de rôles. Du coup. Bah, elle a eu un Oscar. Elle a eu un Oscar. Comme Jean Dujardin. Toi, t'as eu un Oscar ? Non. Moi, j'en ai un. Très bien. C'est ton Toi, chat. Raphaël, t'as un Oscar ? Peter Jackson, il en a eu 11. Toujours. Tout de suite, il ramène Peter Jackson. Celui qui meurt dans ses films ? Non, deux fois. Petite référence au Seigneur des Anneaux. On peut parler de ça, des films homemade, style Brain Dead et tout. Je sais pas. Oui, on peut parler. Bah, non, mais je sais pas. L'heure est pas préparée, on n'a pas de sujet. Non, mais je trouve ça. Tu vois, moi, ces films-là, ils m'ont super inspiré pour m'apprendre des choses. Parce que finalement, même si ils essayent de cacher les astuces et tout ça qu'ils utilisent, il est quand même super didactique dans ce truc-là. Et Brain Dead, par exemple, je vous conseille de regarder le making of de Brain Dead, qui est juste fou. Donc Brain Dead, c'est, j'explique, c'est le premier film de Peter Jackson qu'il a réalisé en Nouvelle-Zélande. En gros, ça parle d'extraterrestres qui arrivent sur Terre pour manger, pour kidnapper des humains, pour les mettre dans un fast-food de l'espace et les manger. Est-ce que tu as vu Brain Dead ? Je n'ai pas vu Brain Dead, ça me dit rien du tout. Bon, moi, il est dispo. Il est dispo sur les plateformes. Je regarderai ça à l'occasion, comme on dit. Ah, une petite musique Peter Jacksonesque. Tout à fait. Et du coup, en fait, le making of de Brain Dead, en gros, il est conçu de telle sorte que c'est un truc très familial. C'est-à-dire qu'on voit les parents de Peter Jackson qui expliquent et tout qu'en gros, le mec, pour faire le costume de l'alien, il a utilisé le four de sa mère pour faire donc tout le déguisement. Il a cuit et tout, c'est lui qui l'a fait. Toutes les armes qui sont fonctionnelles, il les a créées avec tous ses potes. Tous les équipements, donc tous les pieds, il a fait une grue. Avec une charpente en bois qui est énorme, il a fait ça tout seul et en gros c'est un super documentaire pour apprendre à faire des films toi-même. Ouais. Bon, le mec il a fait pendant 5 ans Brain Dead. Est-ce que c'est lui qui a voulu faire exploser des maisons Oui, c'est lui. Dans la pampa. Oui. Ouais. Alors en gros, j'aime bien cette histoire. J'adore cette anecdote aussi. En gros, Peter Jackson, il habite en Nouvelle-Zélande, tout ça, trop bien. Et en Nouvelle-Zélande, putain. Et en gros, dans le scénario, il y a un moment où ils se battent dans une maison coloniale anglaise, tout ça, un truc bien. Enfin, c'est un patrimoine local, même mondial, je crois. Et du coup, ils ont quand même réussi à tourner un film d'horreur dedans, ce qui est assez dingue. Et dans le scénario, ils voulaient que une partie de la maison soit explosée au bazooka. Et les mecs, ils ont dit, wow, les gars, calmez-vous, on va quand même pas exploser un truc qui est à l'UNESCO, calmez-vous quand même. Et Peter Jackson a dit bah pas de problème. Ils sont allés 40 km plus loin dans une forêt et pendant 3 mois il a construit le bloc de maison qu'il voulait casser, donc c'est un coin de mur comme ça je crois, et ils ont acheté de la dynamite tout ça et ils ont fait exploser le mur, le truc qu'ils avaient construit, ils l'ont fait exploser. C'est totalement fou comme anecdote, mais c'est possible. Et c'est 5 ans de la vie de Peter Jackson. Et après, il a fait le Hobbit 3. Enfin, en fait, il jouait à Age of Empires avec les skins du Seigneur des Anneaux. Et il a filmé sa partie. C'est la vanne. Oui, alors. Bah, parce qu'il s'y fait. Question dans le chat. Oh, il y a plein de trucs dans le chat. Ouais. Question pour vous. Est-ce que. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah, c'est con. Si. Est-ce que vous n'avez pas remarqué. Je fais du stand-up. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans le Hobbit 3, la bataille des 5 armées, on a l'impression qu'on regarde quelqu'un qui joue au jeu La bataille pour la Terre du Milieu 2. Et du coup, contrairement au Seigneur des Anneaux qui était un film, le Hobbit c'est un jeu. Moi je vais te dire pourquoi. Vas-y. Dis-moi pourquoi. Vas-y. Alors, tout simplement, on va commencer du fait... Parlons technique. Ah, j'aime. Le Hobbit a été filmé en 3D avec deux caméras. 48 FPS. Qui tournaient à 48 FPS. Je les ai vus à 48 FPS, les deux derniers. Du coup, t'étais à 48 FPS. Mais dis donc, c'est quoi donc 48 FPS. C'est quoi, dis donc, le Mathias, ouais. 48 FPS, le HFR. C'est les 48 FPS, ça veut dire qu'il y avait 48 images par seconde au lieu de 24. Ça a été doublé, ce qui fait que les mouvements sont plus fluides. Sont plus fluides, donc on a l'impression de regarder une vidéo de Squeezie. Donc t'as un peu l'impression de regarder, oui bon là c'est voilà. Oui, t'as 60 FPS, c'est encore pire. Mais ouais, t'as l'impression de regarder un jeu vidéo parce que t'as pas les mouvements habituels au cinéma. Ouais. Voilà, c'est pour ça que. Ben non, parce qu'il y a des jeux qui tournent en 60 FPS, donc du coup oui. C'est pas un truc. C'est juste que en gros. Mais c'est hyper non, fluide. Non, mais c'est juste que dans c'est, trop, c'est du trop fluide en fait. Non, mais en non, fait, dans, c'est pas ça. C'est pas la fluidité qui m'a gêné. Dans la direction artistique, c'est dans la façon de réaliser. Dans Le Seigneur des Anneaux, les scènes de bataille sont bien découpées et tout. Et il y a des vrais gens. Il y a des vrais gens, c'est des figurants, c'est tout. C'est filmé dans la masse, etc. On est plus près du soldat, on est plus près de la couture du costume. On est plus près du sang de la fille. C'est quand même le mec qui a fait un fan film avec tout son pays dedans. Hein. Pour moi, c'est Seigneur des Anneaux, c'est ça. On est plus près de la chair et tout. Alors que dans le Hobbit, c'est tout numérique. Tout est numérique, du coup, tu ressens trop ce côté ordinateur. Machin. Bah, ça va virer vite. Surtout, et je pense que ça a déjà et en plus, c'est souvent pris. Je sais pas si. C'est des plans, c'est en plongée, voilà. C'est immense. Du coup, tu. Exactement. Moi, c'est des plans larges. Ouais. Mais justement, t'as des plans larges comme ça dans un film de John Woo avec Nicolas Cage. Volteface ? Non. Oh, je sais pas. Est-ce que c'est un film bien avec Nicolas Cage ? C'est avec les Navajo. Non, mais est-ce que c'est un film bien avec Nicolas Cage ? Ouais, il est pas mal. Bah, c'est un film de John Woo, il y a une chance sur deux. C'est un film de guerre, en fait. Ah oui, c'est Mémoire. Je sais plus. Mais je vois le film. Ouais. Les gens, j'espère qu'ils voient le film aussi. Si vous pouvez nous filer le titre. Voilà. Et vous, les studios. C'est avec des Navajos. Des Indiens. Je croyais que c'était Rojan. Hein. Comme la personne. Narcoche. Et du coup, il y a aussi des plans comme ça de très haut. Avec, par exemple, il y a un plan d'un débarquement de très haut. Avec des tanks, des trucs, des explosions, des machins. Et au fait, c'est des figurants partout. Du coup, partout, c'est un partout. Peu partout, partout. Partout, partout. Bon, je pense qu'il y a un peu de. Oui, je pense qu'il y a un peu de remplissage numérique. Mais des fois, t'as des plans. Enfin, même. T'as vraiment l'impression. Enfin, par contre, les tanks, ils font un peu faux. Ouais. Mais t'as vraiment l'impression d'être dans un jeu, quoi. C'est des caddies de golf, ils ont mis une toile tank au-dessus. Ça se trouve, c'est un mec en plateau avec des figurines Warhammer. Il fait oui. Mais non, mais le Hobbit, pour l'avoir vu en HFR 48, tu vois. Moi, ce qui m'a gêné, en plus de cette trop, enfin, en fait, c'est globalement le tu sens que tout est faux. Mmh. Et même quand c'est vrai, moi j'ai parce que en fait le 48 fps, vu que ça va, l'image elle est doublée, tu as plus de définition aussi. Et par exemple, à un moment, il se retrouve dans des geôles, je crois, dans le 2. Et en fait, la porte. Ils font un bruit de porte en fer, sauf que tu vois que c'est du bois, la texture, c'est la texture du bois. Et du coup, tu fais, non mais mec, ça se voit, arrête de faire des conneries. Et il y a plein de trucs comme mec, ça. Mec, arrête de faire des conneries. Et, merci Eddie Murphy. Merci mec. Et il y a plein de conneries. Il est où ? Il y a plein de trucs comme ça. Enfin, tu sens le faux à 12 km et ça gêne vraiment au visionnage, je trouve. Bon, après, il y a vraiment des trucs, c'est abusé, genre la statue dans le 2 là en or qui font. Waouh là là là là là. Ah, oh, c'était vilain. Ah, le vomi, le vomi de CGI quoi, c'était atroce. Donc, les CGI, c'est les images de synthèse en 3D. Non, mais c'était vraiment. C'est vraiment dégueulasse quoi. Ah, c'était vraiment. Non, c'est hideux. Bah... Autant le premier passait bien. Mais tu sais, alors. Attends. Oui. Le premier passait bien. Oui, le premier passe bien parce que je pense que t'as une vibe Seigneur des Anneaux, donc du coup, ouais. Tu vois la comté, ouais. Tu vois des trucs, donc du coup, t'es content. Mais. Mais le reste, non, ça va pas. Ça va pas. Alors, il a tenté de faire un Seigneur des Anneaux alors que enfin, on en a déjà parlé, mais tout le monde en a déjà parlé. Et j'ai un gros problème aussi, c'est niveau. Ouais, on se fait de la thune sur les gens. C'est quand ils font le premier. Arrête, est-ce que tu vas citer le bail des livres ? Non. Genre, non, je m'en fous des livres. Non, mais est-ce qu'il a fait trois films pour un livre et trois films pour trois livres ? Est-ce que c'est ça que tu veux dire ? Non, c'est pas ça. C'est autre chose. Sinon, je t'aurais démonté la face. Non, c'est au niveau. Tu sais, à un moment, je crois que c'est dans le premier où t'as le dragon qui s'en va, Smaug. Ou c'est le deuxième ? C'est le deuxième. C'est le deuxième. T'as Smaug qui décolle, qui se barre vers la ville. Oui. Et ben, qui est doublé par Benedict Cumberbatch. Oui, encore. Encore, on y revient toujours. Il y a le mec atroce là, qui est habillé en meuf. Vous vous rappelez de ça ou pas ? Ah oui. Oh le truc qui remplace Grima Langue de Serpent. Ouais, là. Ah, oui. Putain ! Et donc, je reviens sur le truc. Là, t'as le Smaug qui décolle, du coup, et qui va vers la ville. Et genre, tu te dis, ok, le tout et là c'est coupure du film, tu vois, le deuxième, ouais. Ça se termine là-dessus et Cliffhanger. Voilà, et là juste après t'as attendu un an pour voir le dragon se faire décimer la gueule au bout de 20 minutes de 20 minutes. Exactement. De film, et t'es un peu deg, Enfin, moi, j'étais un peu d'AGTH. Ouais, toute fait... la hype est faite sur... Ouais, sur ça, quoi. C'est vraiment... tout a comme été fait sur... vas-y, on va buter Dragon. Et c'est... moi, je m'attendais... Ne sachant pas le Hobbit, comment ça allait se dérouler, je me suis dit, bah, ça se trouve, ça va se finir avec le dragon dans la tronche, avec ouais. plein d'armées partout et tout le monde contre Dragon. Mais, ouais, mais en même temps, c'est dans le bouquin. Oui, ça... c'est dans le bouquin. Mais tu restes aussi sur ta fin, sur la mort de Smaug dans le bouquin, je m'en rappelle. Non, mais c'est pas le fait tu restes sur ta fin, c'est plus le fait... Tu fais des la hype ouais. est montée sur un truc ouais. qui se finit en 20 minutes. Ce que je voulais faire le parallèle avec le bouquin, parce que c'est aussi le cas tout le long, tout le livre. C'est, je crois que c'est même plus frustrant parce que tout le livre, ils te font des trucs genre ouais, c'est un dragon, il y a Smaug et machin. Ils vivent leur vie, mais Smaug revient souvent. Et au final, c'est ni Bilbo, ni un des nains. C'est ça qui est marrant. C'est, ouais. c'est un mec qui est apparu 20 pages plus tôt. Qui vient buter le truc et le reste repose sur la bataille des cinq armées. Et aussi, ce que je voulais dire pour revenir encore au bouquin et aux différences entre Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, c'est que Le Seigneur des Anneaux, c'est un roman épique, un roman d'heroic fantasy, c'est de l'aventure pure. Et ça a été écrit en tant que tel, ça a été écrit après Le Hobbit. Le Hobbit qui, lui, était juste un conte enfantin. Enfin, enfantin, était un conte. C'est vraiment une histoire à raconter, pas forcément à ses enfants, mais lui, je pense que c'est... Si mes souvenirs sont bons, je pense que... Oui, c'était pas du tout la même ampleur que c'était, l'un là par rapport... Non, mais c'est surtout que c'était à destination de ses enfants, mais oui. Je suis plus sûr. Et en fait, Peter Jackson a réalisé Le Hobbit, comme il avait réalisé Le Seigneur des Anneaux, parce que je pense qu'il voulait que reste dans la mémoire des gens le souvenir du Seigneur des Anneaux. J'ai peur que ce soit du fan service. Il l'a dit il n'y a pas longtemps. Et du coup, le film, ça a été donné par quelqu'un sur le live. C'est qui ? C'est Koala Clap. Merci, c'est Wind Walkers, le film de John Woo avec Nicolas Cage. Mais je sais pas qui est. Merci, Koala Clap. Merci. Et ouais, du coup, pour revenir au Hobbit, c'est que ouais, je pense qu'on a tous eu cette impression de Seigneur des Anneaux bis, mais je pense que c'est les producteurs qui voulaient ça, tu vois, parce que Harry Potter se terminait et la Warner, ils n'avaient pas de film de Noël à sortir pendant 3 ans, et vu que DC et Harry Potter, la suite d'Harry Potter, elle mettait du temps à arriver, bah ça, ils avaient ça en plus. Mais il y a eu des gros problèmes de prod sur le Hobbit. Enfin, Peter Jackson l'a dit, en fait, les gens prenaient des décisions, mais lui, il ne savait pas ce qu'il faisait. Et dans le chat, il y a Marc Guéry qui dit que les producteurs lui ont demandé de faire 3 films, alors que lui, Peter Jackson, ne voulait en faire 2. Oui, c'était ce qui était prévu au départ. Et encore en amont, donc juste à la fin du Seigneur des Anneaux, quand le Retour du Roi est sorti, ça a été mis en projet directement. Et en gros, c'était Guillermo del Toro qui devait faire le Hobbit. Et comme d'habitude, il l'a pas fait. Parce que Guillermo del Toro, il a une liste de projets aussi longue que les routes qui jalonnent la région Poitou-Charentes. Mais il en fait que 2. C'est-à-dire très long. Mais à tous nos amis sur l'A79. Et du coup. N10, pour ceux qui connaissent. Et c'est un truc bordelais, ça. Et du coup, le 1 a été découpé, storyboardé par Guillermo del Toro. Et c'est pour ça que c'est un film correct. Parce qu'il y a des vibes de Guillermo del Toro. Et le 2e et le 3e, non. Donc je pense qu'il y a... tu sais, c'est comme... comment il s'appelle ce film Poltergeist. Oui. Est-ce que tu connais la légende de Poltergeist ? Pas du tout. J'ai... En gros, Poltergeist... Donc c'est ces films où, en gros, il y a 2 réalisateurs qui ont travaillé dessus et on ne sait pas trop... c'est vraiment... un film... Après, tu peux métaphoriser ça comme un enfant. Excusez-moi, je vais m'absenter quelques minutes. En fait, je vais aller chercher les gens de la prochaine heure. Ok, vas-y. Du coup, voilà. Donc, désolé, je vous abandonne quelques instants. On va parler de Poltergeist. Et tranquillement. Oui. Donc, ouais, donc, si on métaphorise le film comme un enfant, tu vois, on ne sait pas trop c'est l'enfant de qui. Et le Hobbit, hein, c'est vraiment ça, parce qu'il y a des... Enfin, le conte, ça parle totalement à Guillermo del Toro. C'est vraiment... c'est les mythes fondateurs. C'est vraiment cet imaginaire-là, il connaît, il maîtrise à fond. Et c'était vraiment un film, c'était du pain béni pour lui. Et c'est pour ça que le premier, il est vraiment... Enfin, il a un charme, tu vois, dans son image. Tu sais, c'est très doré, c'est très... c'est noble, tu vois, comme truc. Je sais pas si tu... Ouais, je vois. Film. Et du coup, c'est vraiment... pour moi, c'est le film de Guillermo del Toro, le premier. Et donc, pour faire un parallèle avec Poltergeist, donc Poltergeist, c'est un film d'horreur sorti dans les années 80, début 80, il me semble. Et donc, qui a fait l'objet d'un remake cette année, malheureusement. Et en gros, c'est une production, alors là, dingue, un film d'horreur produit par Steven Spielberg. Amblin, donc c'est Amblin, donc sa société de production fondée avec Frank Marshall et Kathleen Kennedy, les mecs qui possèdent les plus grandes licences de la Terre, c'est-à-dire Star Wars, Jurassic Park, Indiana Jones, tranquille. Et ouais, ils sont bien quoi. Ouais, des gens. En plus, ils sont ensemble, enfin, ils sont mariés, tu vois, donc ils pèsent ils... vraiment, tu donc vois. Donc ils nagent un peu dans l'argent, c'est un peu le couple Beyoncé. Ah, c'est un peu le Beyoncé Jay-Z du cinéma, ouais. C'est deux bons. C'est deux bonnes personnes. Et du coup, en gros, le réalisateur tel qu'il est écrit sur l'affiche, c'est Toby Hooper. Donc c'est le mec qui a réalisé Massacre à la tronçonneuse, Life Force, il a fait L'invasion vient de Mars aussi. Et. Sauf que Spielberg apparemment a été très présent sur le plateau parce qu'il était producteur et qu'il est toujours là à chapeauter. Et apparemment, Toby Hooper est un réalisateur très bordélique. C'est-à-dire qu'il est, enfin, il fait des trucs à droite à gauche, il peut tourner deux scènes en même temps, etc. Et Spielberg, lui, c'est pas du tout sa méthode. Lui, il veut vraiment que ce soit carré. Enfin, pas que ce soit carré, mais que ce soit bien fait. Il faut pas faire deux choses en même temps. Et du coup, Toby Hooper, c'était son premier gros film, tu vois. C'est son plus gros film, je pense. Et du coup, se mettre sur une production comme ça, il ne savait pas diriger les acteurs, il ne savait pas... Enfin, il galérait un peu, tu vois. Et du coup, Spielberg a apparemment pris le projet en main. Et c'est pour ça qu'il fait aussi peur. C'est-à-dire que Spielberg, il a vraiment fait un film d'horreur. Il faut considérer Poltergeist, pour moi, comme un film d'horreur réalisé par Steven Spielberg. Et c'est vraiment... Enfin, je sais pas, c'est rare, tu vois. Enfin, c'est pas un genre auquel il s'attaque, parce que généralement il fait des thèmes très enfantins, très. Comme, dans cette période-là, c'était Les Aventuriers de l'âge perdu, E.T. Et je pense qu'il faut voir Poltergeist et Le Temple Maudit, Indiana Jones 2, comme un diptyque. C'est-à-dire que c'était vraiment ces deux films sombres de Spielberg, alors, dans sa période joyeuse, on va dire. Et c'est vraiment. Parce que maintenant, il a fait La Guerre des Mondes, qui est une réponse en septembre. Il a fait Munich et tout ça, La Liste de Schindler, qui était avant. Et je pense que cette période-là, ça a amorcé la période un peu sombre de Spielberg qu'on a maintenant. Et donc, voilà, c'était un peu. Si vous en avez d'autres, balancez en commentaire. Et est-ce qu'on peut aussi. Ça très intéressant. J'ai une petite anecdote sur L'Arche perdue. Vas-y, allez. Bah, de toute façon, elle est assez connue. C'est le mec avec le sabre. Ouais. Ah, vas-y. J'aime beaucoup cette anecdote, elle me fait beaucoup rire. Ah, oui. Y a une scène dans L'Arche perdue, justement, où il y a un sabre, il y a un mec avec un sabre et Indiana Jones joué par Harrison Ford, le grand charpentier. Enfin. Oui, parce qu'il était charpentier. Et... Ah, raconte-moi des anecdotes dans les anecdotes. Esprit d'escalier. Et du coup, il s'était chopé la tourista. Le pauvre. Le pauvre. Sauf Spielberg, parce que lui, il se faisait importer sa bouffe d'Angleterre pendant le tournage. Même le gars qui joue Gimli, là, qui joue dans Indiana Jones, il avait la tourista. Oui. Et du coup, normalement, c'était censé être une bataille épique. Un combat. Un petit combat. Une petite bataille, parce que deux pélos qui se battent. dans la street combat. En Égypte, calme-toi. Hein. Et du coup, Harrison Ford un a dit. Baston, quoi. Harrison Ford a dit hey, pourquoi j'utilise pas mon flingue? Et Steven Spielberg a donc accepté et il a utilisé son flingue et ça a économisé deux jours de tournage. Donc on m'a dit merci. C'est bizarre, mais quand Mathias raconte une anecdote, c'est un peu nul. C'est un peu non, naze. Mais c'est pour ça qu'ils ont fini le film en avance. Tu sais qu'ils s'en vantent de ça et du coup ils ont fait ouais, grâce à Harrison, on a fini en avance. Ouais. Et pour revenir sur Spielberg, est-ce qu'on peut parler de son copain, pas George Lucas, mais Ridley Scott? Ah, tu me lances dans un truc. 12 minutes pour parler de Ridley Scott. Ridley Scott ou. Ou le taré la sénilité en plusieurs actes. Ah putain. Alors. En commençant par le début. C'est-à-dire Gods. Comment il s'appelle? Pas Gods of Egypt, mais le truc là sur Moïse. Comment ça s'appelait son. Exodus, merci Palpatine. Exodus. Palpatine. En gros, il y a eu ce qu'on appelle un whitewashing, c'est-à-dire que tous les persos, ils sont blancs. Alors qu'en Égypte et tout ça, c'est une des saintes plaies d'Égypte, c'est il a plus de la javel. Quoi. Voilà, c'est... Donc, en gros, c'est pas possible qu'il y ait des blancs, enfin, comme... qu'il y ait énormément de blancs. Comme la représentation classique du Christ qui est représentée blanc. Comme un homme blanc. Alors que c'est bon, les gars. Récemment, on a pu découvrir, pour avoir des images, des preuves photographiques des personnes qui vivent aux alentours de Nazareth. Et il y a combien de blancs en mètre carré? Moins que les gens que la vraie couleur de peau de Jésus. Voilà. Bah en gros, Bon, il y a plusieurs mecs qui sont partis en croisade, dirais-je, contre Ridley Scott. Et j'ai dit deux fois « dirais-je » déjà. Ça commence à être un peu trop mass market comme mot. Oh, fils de pute ! Oh là là là là ! Bon, alors, on explique. Nous avions assisté à une conférence dans la journée avant de préparer l'émission. Et le conférencier a utilisé le terme mass market, qui nous a beaucoup fait rire. Et on s'est fait un pari à ce moment-là. Au premier qui dirait mass market dans l'émission, Raph vient de le faire. Moi, j'avais oublié le mot et du coup, j'étais en train désespérément d'essayer de m'en remémorer. J'avais mass effect, mais ça ne marchait pas. J'ai gagné. Bah allez, je me casse. Mais donc bon, voilà, on arrête la nuit. Mass market. Donc revenons à Ridley Scott, mon cher Mathias, oui. Et mon cher Kawan. Oui. Donc les mecs ils ont dit ouais ça se fait pas et tout, t'aurais dû mettre des acteurs qui soient plus crédibles parce que c'est quand même un fait historique et tout ça. Et Ridley Scott a dit ouais bah c'est pas de ma faute, s'ils ont quand même des bons acteurs et tout. Le mec il a pété un plomb. Donc ça c'était l'an dernier. Et là cet été c'était la débandade. Le Ridley Scott est parti totalement en couille. Alors reprenons depuis le début. En gros, il a fait un film qui s'appelle Prometheus, qui est censé être une suite d'Alien, mais qui est parti totalement enfin, en une couille. Suite, un début. Un préquel d'Alien, écrit par Damon Lindelof, le mec qui a essayé de mettre une fin à Lost. Et, et en gros, il a dit « Ouais, moi je ferai plus Prometheus et tout, je fais plus ça, c'est trop nul, ce sera pas une suite à Alien ». Et d'abord il a dit je fais plus Prometheus. Donc il y a Neil Blomkamp, on en parlait dans le premier podcast d'ailleurs si vous écoutiez à propos d'Alien podcast 5 ou podcast. Podcast. Le tout premier l'émission qu'on faisait avant qui avec un matos de merde qui est dispo sur la chaîne. Et donc du coup, il a dit Neil Blomkamp lançait la production d'Alien 5 et donc ça allait tranquille et tout, il commençait à tweeter des photos. Et cet été, Ridley Scott, il fait « Bah en fait, je vais faire Prometheus 2, les gars. » Pour l'instant, le titre de travail, c'était Prometheus 2. Tout va bien ? Tout va bien. Dans les chaumières, est-ce qu'on s'affole ? Non, dans les, dans les petites 2, maisons, vois, on est comme ça, pépère, on regarde notre télé, Prometheus 2. Oui. La ménagère, elle accepte. Bah, elle accepte totalement. Oui, elle dit parce oui, que elle dit pour oui. L'instant, il y avait Alien 5 et Prometheus 2, tout allait bien. Et là, au mois d'août... Il y a eu une accélération de la prod. Kawan, il est un peu plus. En gros, Ridley Scott, il a dit bon, les gars, Neil Blomkamp, t'arrêtes tes conneries. Moi, j'arrête Alien 5. Hein. Prometheus, c'est le vrai projet. Genre, Alien 5, c'est repoussé à 2020 au moins. Genre, Neil Blomkamp, il est là, il fait bon, les gars, il essaye de remonter l'hype. Il est là, bon, les gars, Alien 5, c'est bien. Mais on s'en fout, ça sortira jamais. Et là. C'est pas possible. En septembre, Ridley Scott, il nous fait. Bon les gars, Prometheus 2, c'est nul comme titre. Du coup, ça s'appelle Alien Paradise Lost. Donc du coup, ça se rapproche... Surtout qu'il avait dit juste avant que Prometheus, ça n'avait rien, ça à, n'avait voir rien à voir avec Alien. Alien. Et du coup, ça se rapproche à Alien. Donc tranquillement, hein. Putain, Ridley Scott. Il y a Seul sur Mars qui sort, donc il nous fait un petit aparté. Les patates et le caca. Voilà, donc en gros... On a découvert qu'il y avait de l'eau sur Mars récemment. Et là, il a dit... donc le Seul sur Mars, il a été fait en étroite collaboration avec la NASA. Il a dit « Bon, les gars, moi, je savais depuis 6 mois qu'il y avait de l'eau sur Mars. Arrêtez de faire vos conneries. C'est bon. » Donc, il y a ça qui sort, tranquille. Il y a tellement de choses, en vrai. Et arrive le mois, je sais pas, mois de novembre, je crois, il dit « Bon, en fait, Alien Paradise Lost, ça me plaît pas trop comme titre. Du coup, ça s'appelle Alien Covenant. Ok. » Tranquille, il recommence. Sauf qu'il continue parce qu'ils lui ont donné, vu que Seul sur Mars sortait, il a eu plein de promos et tout. Et il a parlé de Blade Runner, donc un des films qu'il a réalisé avec Harrison Ford encore. Et en gros, il dit. Alors, Blade Runner, pour expliquer, il y a eu à peu près 9 montages différents de Blade Runner en tout et pour tout. Et il n'a jamais eu le Final Cut à part la version finale qui est dispo que en Blu-ray, qui a été ressortie là dans la version 4K. Et sinon, il n'a jamais eu le Final Cut en tant que réalisateur. Et aussi, il y a un grand mythe qui est... Ça fait longtemps qu'il est ouvert sa gueule sur ça. Est-ce que Harrison Ford est un impliquant ou pas ? Donc, tout le film se basait là-dessus. Et en 2002, il nous sort... Il nous sort quelque chose, on comme dira ça, rien. Au calme. Harrison Ford is a replicant. Voilà. Ça sert à rien de regarder le film. Dans le baragouinage anglo-saxon. Anglo-saxon qu'a tenté Mathias, il a dit... C'est Harrison Ford est un réplicant. Du coup, il a niqué toute l'intrigue du film. Et donc voilà, donc Ridley Scott, déjà en 2002, il était bien fort. Et donc Blade Runner 2, existe. Il sera réalisé par... Dans les commentaires, on nous demande où est Victor. Oui, Victor. Je vais pas dire son nom de famille. Il est pas là parce que c'est un enfoiré. Il arrivera bientôt. Il arrive à 22, il est remplacé par... Qu'est-ce qu'il nous dit ? Oh, franchement, les nazis, j'étais un peu d'accord avec eux. Victor. Et voilà, ça commence. Donc ouais, il a dit que en gros Blade Runner 2, réalisé par Denis Villeneuve, là, le mec qui a fait Enemy et Sicario récemment, bah, il aura pas le final cut. C'est-à-dire que c'est Ridley Scott qui produit, qui aura le final cut. D'accord. Et il a dévoilé la scène d'intro aussi sur Twitter, Ridley Scott comme ça, le storyboard cadeau. Et donc voilà. Et c'était quoi le dernier truc qu'il nous a fait en date ? Ah oui. Et donc on avait déjà la saga Alien, enfin Prometheus Alien qui change de nom. Et là il nous dit, alors je sais pas quel âge il a Ridley Scott, mais je pense qu'il doit avoir au moins 70 ans. Et là il nous dit, bon les mecs, en fait je vais faire 3 Prometheus, enfin 3 Alien la suite là. Parce que Star Wars ça me fait chier qui est Star Wars. Putain. Ridley, arrête les conneries. Non mais je pense que... Change tes médocs, fais un truc. Ouais, non, mais en vrai je pense qu'il est vraiment sous médoc et que... Il a 78 ans. Ah tu... Voilà. Ouais. Moi, je pense qu'il... Comme George Miller, je crois, il a 76 ans, George Miller, un truc comme ça. Mais je pense que la mort de son frère, donc Tony Scott, ça l'a vraiment affecté. Et je pense que là, il est sous cacheton et il pète un câble. Et est-ce que... Alors, je vais faire un truc. Est-ce que les frères Scott, c'est inspiré de leur histoire ou pas ? Ferme ta gueule, Mathias. Donc voilà, j'avais plein de trucs à dire encore, j'avais parlé d'un groupe et tout, mais je pense que là... Mais là, je pense là, que... C'est l'heure, tous... Du coup, je suis un intermède musical.